Ce samedi-là, le temps était radieux, avec juste une pointe de vent d'autant pour réchauffer la température. Samuel filait sur la Nationale 112 en direction de Castres, respectant le silence farouche de Pascal, qui ne desserrait pas les dents. De temps à autre, il se contentait de lui jeter un coup d'œil, inquiet de l'avoir si tendu. « Nous allons bientôt arriver », annonça-t-il. Il prit une feuille posée sur le tableau de bord pour vérifier l'itinéraire. La veille, juste après l'appel de Pascal, il avait établi un plan d'accès destiné à leur éviter de se tromper 10 fois de route, l'établissement étant situé en dehors de la ville, dans un endroit retiré sur des berges de Lagout. « Tout ira bien », répéta-t-il d'une voix apaisante. C'était peu probable, mais à quoi bon l'angoisser davantage? Au téléphone, elle lui avait semblé si anxieuse, si perdue, qu'il avait pris la décision de l'accompagner alors qu'elle ne le lui demandait pas. Impossible de la laisser aller seule là-bas. Il était manifeste qu'elle en ressortirait le cœur en 1000 morceaux. Sur le coup, il ne s'était pas demandé pourquoi Laurent ne lui servait pas d'ange gardien, et en y réfléchissant, il avait conclu qu'elle serait mieux avec lui de toute façon. Une déduction qui l'arrangeait, certes. Seulement même si Laurent était adorable avec elle, ce qu'il devait être, même si elle était folle de lui, ce qu'à Dieu ne plaise, ils ne se connaissaient pas depuis assez longtemps pour qu'elle lui fasse une confiance aveugle. L'institut médicalisé où avait été placée Julia n'était pas référencé comme asilaire. Mais il ne s'agissait pas non plus d'un atelier professionnel, ni médico-professionnel, ce qui signifiait que Julia n'était pas en état d'avoir une quelconque activité. Sur la petite départementale qu'il suivait, apparut soudain un panneau discret signalant l'entrée de l'établissement. Samuel s'engagea dans l'allée, tandis qu'à ses côtés, Pascal se raidissait davantage. Au bout d'un parc assez bien entretenu, ils trouvèrent le parking des visiteurs, qui ne comportait qu'une 12aine de places, toutes libres. « Je t'attendrai ici », déclara Samuel. « Prends ton temps. » Pascal hocha la tête, esquissant un sourire pitoyable. Elle portait un t-shirt noir et un blouson en jean, avait attaché ses longs cheveux en queue de cheval. Sam la trouvait superbe, mais il s'abstint de lui dire. Ce n'était ni le moment ni l'endroit. « Courage, chérie !» Il la prit dans ses bras et la serra très fort. Puis, se penchant au-dessus d'elle, il ouvrit sa portière. « À tout à l'heure !» dit-elle d'une voix sans timbre. Elle descendit de voiture, les yeux fixés sur la façade de l'établissement, une grande bâtisse ocre au volet blanc, construite en U autour d'une cour fleurie. Levant la tête, elle compta une 15aine de fenêtres, sans doute les chambres des pensionnaires. Alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée, la porte vitrée coulissa et une femme sortit venant à sa rencontre. Petite, rondelette et souriante, elle s'avançait la main tendue. « Vous êtes le docteur Fontanelle ? Je suis Violaine Carrois, la responsable de l'Institut. Nous nous sommes parlé au téléphone. »« Oui, absolument. Enchantée de vous rencontrer. Si vous voulez bien, nous allons d'abord passer par mon bureau. » Elle précéda Pascal dans un hall ensoleillé et moderne, puis le long d'un couloir qui ressemblait à ceux des hôpitaux, couvert de linoléum et assez large pour laisser circuler des brancards ou des fauteuils roulants. Notre établissement a été construit après-guerre, mais il a connu plusieurs remaniements, et dans l'ensemble, nos installations sont satisfaisantes. Entrez, je vous en prie. Elles prirent place de part et d'autre d'un grand bureau en bois clair, sur lequel était posé un bouquet de fleurs. Docteur Fontanelle, j'ai ici votre dossier qui a suscité un certain émoi parmi le personnel, vous vous en doutez. Violaine Carrois lui souriait chaleureusement. Pourtant, Pascal se sentait figée, glacée, et elle ne répondit rien. « Votre demande a été une vraie surprise pour nous tous, » reprit Violaine. « Une bonne surprise. Julia est ici depuis bientôt 10 ans, et jamais je n'aurais pu imaginer qu'un membre de sa famille la rechercherait un jour. Je n'ai appris son existence que l'hiver dernier. Oui, c'est ce que j'ai compris. Votre démarche est très louable. En tant que médecin, vous savez à quel point les gens atteints du syndrome de Down sont doux et affectueux. Les visites, les attentions... Les petits cadeaux leur causent toujours beaucoup de plaisir. Pascal remarqua avec soulagement que Violaine n'avait pas utilisé les termes trisomiques ni mongoliens aux connotations trop négatives. Nous essayons d'entourer chacun de nos pensionnaires, mais Julia est particulièrement appréciée du personnel, même si sa faculté de communication est très réduite. Elle est comme un enfant en bas âge, avec des difficultés de coordination qui vont s'aggravant. Violaine laissa passer un petit silence que Pascal finit par interrompre. Quel est son QI ? 30. La moyenne des malades atteints du syndrome de Down se situait autour de 50, la normale se trouvant entre 85 et 120. Pascal hocha la tête sans pouvoir parler. Son émotion devait être visible, car Violaine lui laissa le temps de se reprendre, en baissant les yeux vers le dossier ouvert devant elle. Julia a toujours été dans des établissements très spécialisés, car elle a besoin d'assistance pour un certain nombre de gestes quotidiens. Son espérance de vie était en principe d'une vingtaine d'années, mais la nature en a décidé autrement. Pour l'instant, son état de santé est stable, et bien entendu, vous aurez accès à l'intégralité de son dossier médical. Avez-vous des questions à me poser ? Un nouveau silence les sépara. Pascal avait envie de fuir. Elle dut serrer très fort ses mains autour des accoudoirs du fauteuil pour ne pas bouger. « Non, pas maintenant, » dit-elle dans un souffle. « Je crois que j'aimerais voir Julia d'abord. »« Vous ne souhaitez pas au préalable vous entretenir avec le pédopsychiatre qui la suit ?»« Non. » Retarder encore l'échéance devenait une torture, et Violaine Carrois parut le comprendre. « Venez, » fit-elle en se levant. De nouveau, elles empruntèrent le couloir, cette fois dans la direction opposée à la sortie. Pascal avait l'impression d'avoir des semelles de plomb. Désespérément, elle essayait de se préparer au pire, tout en regrettant amèrement de s'être crue assez forte. Jamais Samuel ne lui avait autant manqué qu'à cette minute. Pas son père, ni son frère. Non, juste Sam, qui heureusement l'attendait dehors. Violaine s'arrêta à l'entrée d'une salle de jeu dont la porte était grande ouverte. Vaste et bien éclairée par de larges baies vitrées, la pièce comportait une télévision, d'épais tapis de caoutchouc sur lesquels s'entassaient des jouets, des fauteuils en mousse aux couleurs vives, des tables et des chaises en plastique. Il n'y avait que deux personnes, assises près de la télévision qui leur tournait le dos. Comme l'une d'elles portait une blouse blanche, le regard de Pascal se posa sur l'autre. « À cette heure-ci, » expliqua Violaine, « tout le monde est en train de goûter au réfectoire, mais nous avons fait manger Julia avant. Allez-y. » Cloué sur place, Pascal prit une profonde inspiration. Elle se jura une dernière fois de ne chercher aucune ressemblance, de ne surtout pas penser à sa mère. Et elle avança. L'aide-soignante se leva à son approche, sourire aux lèvres, tout en éteignant la télévision. « Voilà la dame que nous attendions, Julia !» De la même manière qu'elle se serait jetée à l'eau, Pascal franchit la distance qui la séparait encore de sa demi-sœur, contourna le fauteuil et s'assit en face d'elle. « Bonjour, Julia !» dit-elle doucement. Elle vit exactement ce qu'elle attendait, enregistrant le moindre détail de façon clinique. L'aspect aplati et pseudo-asiatique du visage, caractéristique de l'anomalie chromosomique, était accentuée par l'origine vietnamienne effective de Julia. Un nez placé haut, aucune ride, des lèvres épaisses et un abdomen volumineux comme prévu. Et puis des cheveux noirs, coupés trop courts pour des raisons pratiques. « Je m'appelle Pascal. » Les yeux sombres étaient doux comme du velours. Pascal s'accrocha à ce regard en ignorant le reste. « Je suis contente de te voir, Julia. » Un son inarticulé lui répondit d'abord, mais quelques instants plus tard, un mot se forma, compréhensible. « Pascal. »« Pascal, c'est ça. Toi, tu es Julia. »« Julia Nan. » Tout ce que Pascal avait réussi à refouler jusque-là l'a pris brutalement à la gorge, quand celle qui lui faisait face, avachie dans son fauteuil à cause de l'hypotonie musculaire, esquissa un sourire hésitant. « Julia Nan, oui, tu as raison. Julia sans souci, ma sœur. » On va bien s'aimer toutes les deux, tu veux ? Elle ne s'aperçut pas tout de suite qu'elle pleurait, tandis que le sourire de Julia s'épanouissait béatement.